histoire particulière. Randonneurs, skieurs, accros des sommets, rares sont ceux qui n'ont pas été un jour victimes du mal des montagnes. La cause principale, le manque d'oxygène. À une altitude supérieure à 5500 mètres, un œdème cérébral peut entraîner un coma ou la mort. Aujourd'hui, Michel Pomared et Jean-Philippe Navarre vous emmènent sur les plus hauts sommets du monde. Respirez, allez toujours plus haut. Aujourd'hui, le portrait d'une alpiniste hors du commun, Elisabeth Revol. 25 janvier 2018, Nanga Parbat, Pakistan, camp 4. C'est la 7e fois que Tomek tente l'ascension du Nanga Parbat. La 4e pour moi, et notre 3e tentative ensemble. L'hiver 2015, nous sommes montés jusqu'à 7800 mètres. En 2016, à 7500. Mais le mauvais temps nous a chassés à deux reprises. Tomek et moi sommes fiers d'entreprendre encore cette montagne en style alpin, épuré. Bonjour. Elisabeth, enchantée. Elisabeth Revol, plus haut, plus vite, plus fort. Michel Pomared, Jean-Philippe Navarre. Est-ce que sur votre dos, votre sac, il pèse combien? C'est très aléatoire, j'ai jamais osé le peser avant de partir, mais ouais, il y a des fois, c'est très très lourd. Des fois, on est à 20 ou 25 kilos. Au-delà, j'y arrive pas. Parce que, Elisabeth Revol, comme vous êtes en totale autonomie, qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Il y a le minimum vital, donc c'est-à-dire la combi d'altitude, donc tout ce qui est par rapport au chaud, les gants, des chaussettes de rechange. Après, il y a du gaz, parce qu'il faut qu'on absorbe énormément de liquide là-haut, donc du gaz pour faire fondre de l'eau avec le réchaud. Et puis après, c'est la nourriture. Et puis notre matériel pour grimper, mais ça, souvent, on l'a sur nous, en fait. Rien d'autre. J'emmène pas ma crème. Ma petite culotte de rechange. L'effort est monotone, planté de piolets, posé de bâtons, crampons gauche, puis crampons droit. Je ne fais quasiment pas de pause. Tom fractionne au contraire. 30 ou 40 pas, et il s'accorde une pause pour souffler. 30 secondes ou une minute de repos, puis repart. C'est toute une gestuelle en fait qui s'est mise en place où finalement avec Tomek on n'a plus été deux personnes mais une personne en fait où on essayait de s'équilibrer en fait sur la montagne et moi j'étais ses yeux et lui il m'accompagnait en fait dans ce mouvement là tout simplement. Donc comment on arrivait à s'équilibrer je sais pas mais je pense que voilà on avait tellement une connaissance de nous deux et une façon de grimper ensemble qui fait qu'on avait des automatismes qui ont été créés et après moi j'ai mis une routine voilà en place où lui il avait la main sur mon épaule, moi je vérifiais où il posait ses pas et lui il s'équilibrait sur moi donc ça s'est fait en fait assez naturellement et ça a fonctionné en fait. Mais c'est particulier en fait à décrire justement ce sentiment où voilà on fait qu'un quoi et on avance quoi. Lui il m'a énormément aidé dans cette phase là. On est juste en dessous ça, je vous l'ai pas dit. Le lien avec Tomek, vous le décrivez comme une cordée fusionnelle. Ouais, complètement, ouais. Parce qu'en fait, on n'avait plus besoin de se parler pour comprendre l'autre, quoi. Souvent, dans une cordée, il faut qu'on trouve nos repères. Souvent, on a des prises de décision à prendre ensemble. Donc, il y a toujours un petit peu de ces deux individualités qui doivent fonctionner finalement ensemble. Et c'est vrai qu'avec Tomek, on a tout le temps fonctionné. Enfin, au premier contact, eh ben, on n'a plus besoin de parler, en fait. Comme si tout s'accordait en fait, les gestes s'accordaient et simplement, de temps en temps, on avait une corde entre nous et simplement un mouvement de corde, on comprenait ce qui se passait derrière ou ce qui se passait devant. Donc c'est ça que j'appelle en fait cordée fusionnelle où on s'est rarement en fait engueulé sur la montagne. À chaque fois, on prenait une décision ensemble et si on n'était pas d'accord, ben, on discutait et on prenait le temps en fait de discuter et de s'accorder pour aller sur l'eau. Donc ouais, c'est ce que j'appelle une cordée fusionnelle où tout se passe bien en fait. On fait pour porter 25 kilos quand on en fait 50? Eh ben, on fait. On n'a pas le choix. Non, après, c'est des moments qui sont pas agréables. Moi, j'aime pas porter, en fait. Je vais essayer d'éliminer tout ce qui est voilà, petits détails que j'aurais bien aimé pour mon confort personnel. Et ça, je le prends pas, généralement. Donc, voilà, c'est tout. Après, c'est des moments qu'on a acceptés. On y va. On veut le vivre, donc on le porte, quoi. C'est pas imaginaire. Non, c'est moi le Sherpa sur la montagne. C'est pour ça que les jours du sommet où on n'a plus rien sur le dos, et bah c'est extrêmement agréable. Et c'est des moments qu'on apprécie énormément, même si on a les deux côtés où on est plombé par l'altitude, mais on n'a plus ce sac qui nous plombe en fait au sol, donc du coup on a un peu des ailes aussi. 25 janvier 2018. J'attends que Tomek arrive pour immortaliser ce moment et surtout le serrer dans mes bras. Nous avons réalisé notre rêve, après tant d'années passées à bâtir ensemble cette ascension. Là-haut, c'est sûr qu'il y a un moment où on est un peu en apesanteur et un moment de gratitude qu'on a du mal en fait à expliquer. Il faut le vivre en fait pour arriver à trouver les mots et à mettre les mots en fait sur ce type d'émotion. Mais c'est assez paradoxal parce que voilà, il y a une partie de moi qui a atteint son graal et une partie de moi quand même qui reste sur Terre. Donc il y a toujours un petit peu ces deux facettes. Après, il faut savoir qu'en hiver, les chances de succès sont vraiment faibles. Donc on est amené, dans tous les cas, à retourner sur la montagne. C'est pas parce qu'on va sur un hiver sur une montagne qu'on va atteindre le sommet. Non, généralement, il faut y aller deux fois, trois fois, voire quatre fois. Le temps d'étudier en fait tout ce qui se passe autour, de prendre mesure de la météo, de s'imprégner un petit peu de toutes ces conditions hivernales pour dire on peut aller au sommet. Donc que ce soit la quatrième fois pour moi ou la septième fois pour Tomek, c'est pas qu'on est tombé en fait dans l'obsession de ce sommet, c'est tout simplement qu'en fait en hiver les conditions sont difficiles et les créneaux météo sont difficiles à trouver dans tous les cas. C'est le 9e sommet le plus haut du monde, vous y allez en plein hiver, en style alpin, est-ce que vous concentrez les difficultés ? Non, c'est pas forcément concentrer les difficultés. Je pense que c'est une démarche dans la vie d'un alpiniste ou d'un himalayiste, où bah, chaque fois on va un tout petit peu plus loin et on va au-delà. Enfin, moi j'avais connaissance en fait d'un 8000 sur des voies normales, dans la bonne saison. Et donc après, je pense que c'est toujours un petit peu cette quête de l'inconnu qui pousse à aller toujours plus loin et à découvrir d'autres dimensions. Après, est-ce que c'est le plus dur ? Non, je pense qu'il y a des phases qui sont beaucoup plus dures, des conditions qui sont autant austères. Donc tout dépend où on met son degré de difficulté et où on va, quoi. 23h10. J'envoie un message à mon mari et un appel de détresse à Ludo. Tomek need rescue soon. Frostbite and he didn't see nothing. Please manage something with Alice sooner as you can. Tomek pas good, besoin secours, je lure et ne vois plus. Organise secours avec Ali aussi vite que possible. Altitude 7522 mètres. Qu'est-ce qui se passe ? Tomek, il est dans un état où je me dis que je suis pas sûre de pouvoir le redescendre sur la montagne en fait. Donc je déclenche un SOS pour tenter de l'extriper en fait de cette montagne et puis surtout d'informer en fait mon mari, Ludo et puis la femme de Tomek que bah voilà, ça se passe pas dans les conditions qu'on souhaitait quoi. Est-ce que c'est une surprise pour vous l'état de Tomek au sommet ? Ah oui, complètement. Ah oui, moi je m'attendais pas du tout à ça parce qu'on avait échangé en fait pendant toute la montée, il était bien, il avait aucun signe qui montrait que ça allait exploser au sommet. Donc oui, pour moi c'est la totale surprise, ça c'est sûr. À 23h10, elle envoie un message à son mari et ensuite à vous, Ludovic Gambasi. Pourquoi à vous ? Alors pourquoi ? Parce qu'on était en contact depuis le début de l'expédition. Sur chaque expé, on est en contact de manière régulière, ne serait-ce que pour la météo et où se motiver. Donc ça, c'est quand même assez important aussi dans des expéditions de ce type-là. Et à ce moment-là, bah, elle a des contacts qui sont enregistrés sur son InReach, donc qui est son petit outil qui permet de communiquer par message uniquement. Et il y a trois contacts qui sont enregistrés dedans. C'est celui de son mari, Jean-Jean, le mien et celui d'Anna. C'est la femme de Tomek. Vous précisez quand même, Ludovic Gambasi, que vous êtes son ami, mais vous êtes aussi son routeur. Qu'est-ce que ça veut dire être un routeur pour une alpiniste ? Alors, on est partenaire de cordée depuis très longtemps, c'est ma meilleure amie. Et routeur, c'est un terme qui a été employé par défaut, je ne sais pas trop pourquoi il est arrivé comme ça. Oui, je lui ai envoyé un petit peu une météo, mais ce n'est pas du tout mon boulot. C'est le boulot d'Yann. Mais oui, voilà, donc j'ai changé le côté un peu météo tous les jours avec elle. Vous êtes où et vous faites quoi ? Et quelle est votre réaction quand vous voyez son message d'alerte ? Donc j'étais dans la rue en train de partir pour aller bosser. Enfin, j'étais à Gap mais j'allais me déplacer. Et finalement tout a été annulé parce que un message signifie que beaucoup de choses vont se dérouler derrière en fait. Hein. Donc là ça a été retour à la maison. Et puis directement, c'était une réponse pour elle, pour lui dire que, évidemment, j'avais pris en compte son message, que je l'avais bien lu et que, forcément, ça signifiait qu'on allait tout faire pour déclencher ce qu'il faut pour les sortir de là. Altitude, 7522 mètres. Ludo répond aussitôt « OK ». Tomek décrivait cette montagne comme Fairy. Fairy, en fait, c'est une divinité qui est présente sur cette montagne et c'est un peu comme une légende en fait qui s'est construite autour de cette montagne et toute la population en fait locale, que ce soit côté Diamir ou côté Rupal, est imprégnée en fait par cette divinité et croit en cette divinité. Après Fairy, voilà, il y a plusieurs définitions qui ont été données, plusieurs entités. Il y en a qui disent que c'est une femme, il y en a qui disent que c'est un couple, il y en a qui disent que voilà, c'est plusieurs âmes en fait qui sont là-haut. Mais voilà, c'est une légende en fait qui est extrêmement forte sur cette montagne et Tomek s'en était vraiment imprégné dedans parce que voilà, lui, il a été influencé aussi par la culture hindouiste. Donc il était sensible à ce côté un petit peu, et pourquoi les montagnes n'auraient pas une âme, quoi. 25 janvier 2018, 23h10, vous envoyez ce message à Ludovic. Ça va pas très bien. Qu'est-ce qu'il vous répond? Il me répond que voilà, il tente d'organiser les secours, mais pour l'instant il sait pas, hein, parce que lui, il a simplement eu la nouvelle, donc il va tenter de faire quelque chose de son côté et voir comment ça se passe. Yann Guizet-Danner, vous êtes à Chamonix et vous êtes le spécialiste de la météo dans les Himalayas. Quand est-ce qu'on fait appel à vos services? Je pense que c'est à partir du moment où elle lui dit voilà, ça va pas, que le premier, je crois qu'ils sont arrivés monstre tard au sommet, et ensuite ils se sont perdus en revenant à leur tente. Et là, je pense que c'est à partir de là où il s'est dit, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai accès à des modèles numériques. Vous savez, ce sont des cartes météo que l'on consulte. Et c'est en travaillant sur ces cartes météo, en recoupant beaucoup de documents, que j'arrive à faire, et comme mes collègues prévisionnistes un peu partout, qu'on arrive à faire une prévision. Et moi, je suis plutôt spécialisé sur la chaîne, sur l'Himalaya. Hein. C'est Pakistan, le Népal, la Chine, etc. Je me rends compte qu'on est dans une situation avec de l'instabilité, c'est-à-dire on a du beau temps le matin et puis de gros nuages pour l'après-midi. Vous savez, un peu comme l'été, on a beau le matin et on a de l'orage l'après-midi. Eh bien là-bas, c'est un peu pareil, mais le problème, c'est qu'il y a le vent à haute altitude. Le vent est toujours fort, évidemment, dans ces régions-là, surtout en période hivernale. Donc il y a de temps en temps des petits créneaux, et c'est ces créneaux de beau temps que j'arrive à voir, à visualiser, à comprendre, qui seront propices d'abord pour faire voler les hélicoptères, et ensuite pour pouvoir accéder à Elisabeth Revol. Bien sûr, il y a un côté émotionnel, mais bon, je me détache de ça assez facilement, ça fait déjà très très longtemps. Et donc, cela permet de ne pas avoir trop d'émotions. Et puis, bon, je route tellement d'expéditions, je donne tellement de prévisions pour des expéditions, que c'est mon job, quoi, voilà. Évidemment, j'habite en montagne, ça compte, ça. C'est vrai que le fait d'habiter Chamonix, d'être dans une ambiance de glacier, de côtoyer en permanence des alpinistes, des copains qui vont en montagne, bien sûr, il y a une fibre qui me paraît évidente, et ça me rapproche, évidemment, mais le fait d'être très très loin, c'est de l'assistance. Moi, je fais partie d'un tout petit maillon entre les équipes au sol, les hélicos. Je fais partie donc d'une chaîne. Et on fait la même chose lorsqu'il y a des secours à Chamonix, dans le massif du Mont-Blanc. Ça ressemble, évidemment. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce qu'a pu avoir comme sensation Elisabeth Revol là-haut, en faisant vous-même des expéditions? Non, moi j'irai pas dans ces conditions, je trouve ça extrêmement dangereux, je trouve ça, il y a une prise de risque extrêmement importante pour aller se confronter dans ces conditions. Même l'Everest, où on a l'air de banaliser au mois de mai, c'est pas si simple que ça, même s'il y a beaucoup de monde, les risques sont là, il peut se passer toujours quelque chose. Alors vous imaginez actuellement ceux qui tentent actuellement le K2, bon ça n'a pas fait, mais là je vois ceux qui tentent l'Everest. En hiver, c'est extrêmement dangereux. déclencher ce qu'il faut. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans des pays où il y a des secours qui sont organisés, contacter les compagnies qui prennent en compte les secours et qui gèrent ça elles-mêmes. Donc, que ce soit en France ou au Népal, c'est hyper structuré. Au Pakistan, c'est plus compliqué que ça. Donc, il y a quand même un suivi, une organisation à faire et puis des gens à mobiliser. Enfin, il y a tout un tas de choses et beaucoup de contretemps dont on ne pensait pas aussi avant de se lancer là-dedans, forcément. Comment vous faites pour arriver à l'armée pakistanaise qui doit mobiliser un ou deux hélicoptères, savoir qu'il y a des alpinistes polonais qui sont pas très loin, qu'on pourrait aller chercher? Comment vous avez accès à toute cette information dans un court laps de temps? C'est pas forcément un court laps de temps. Malgré tout, on essaye de structurer l'information. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, hein, forcément. L'idée, c'est... Enfin, moi, ma première idée, c'était déjà de contacter l'agence par laquelle elle est passée. L'agence est la première qui, normalement, alerte les secours et organise. Ils ont les contacts, ce que j'ai fait. Après, la première des choses à faire aussi, normalement, dans ces pays-là, c'est de contacter l'ambassade de France. Après, bah, j'ai des... quelques connaissances en fait déjà au Pakistan ou la façon dont c'est organisé. Bon, maintenant j'en ai encore plus, ça c'est certain. Mais par contre, pour m'aider dans cette tâche-là, j'ai pensé tout de suite à Daniel Nardi, malheureusement décédé sur Nanga Parbat également l'année dernière, parce que lui, il a aussi beaucoup de contacts, il a une grosse connaissance par rapport à ça. Et pour moi, c'était la personne incontournable, et puis ça engendrait après derrière enfin, nos contacts communs où on s'est mis à faire un groupe WhatsApp, hein, puis on s'est mobilisé tous ensemble. On peut parler du facteur argent, Ludovic Guimbazi, parce que vous contactez l'agence par laquelle Elisabeth Revol est partie pour faire l'ascension, vous contactez les Pakistanais et notamment l'armée pakistanaise. Est-ce qu'à très vite, on vous dit oui, mais la location d'un hélicoptère, c'est tant? Je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce qu'on souhaite pas relancer le débat. Voilà, il s'est passé des choses, au point de vue financier, c'est certain. Il y a eu des évolutions très nettes par rapport à ce qu'on nous a annoncé au départ, mais c'est après on a surmonté ça. Hélico, ok, entre 10 et 11 heures, descend au max. On pense à toi, love. Boire, manger, bouger. On essaie ce cours terrestre en plus. Embassy, army, hélico. Je pense que Ludo, il a tout le temps eu, en fait, il a su trouver, en fait, les mots pour que je baisse jamais les bras. Et donc, il m'a tout le temps maintenu, en fait, dans un secours possible et dans une façon de m'amener, en fait, sur la montagne et de continuer, en fait, à aider Tomek à ce que je baisse jamais les bras et qu'il y ait une solution, en fait, derrière. Il a toujours amené, en fait, une solution. Ça n'a jamais été, il n'y a plus rien qui est possible pour vous, quoi. Donc, il a toujours amené, en fait, cet espoir. Et moi, c'est cet espoir qui m'a tenu sur la montagne. Parce qu'à un moment, Elisabeth Revol, vous avez un échange avec lui et il vous demande « qu'est-ce que tu as ?»« Tu es avec quoi ?» et vous dites « rien ». Ben, j'ai rien, oui. Tout simplement rien. Ben, après, lui, il ne savait pas exactement aussi qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. Donc, simplement des échanges avec quelques mots. Moi, je savais dans quelles conditions j'étais. Et lui, il était dans l'inconnu par rapport à exactement qu'est-ce qui se passait sur la montagne. Il ne savait pas qu'on n'avait pas rejoint le camp 4. Il ne savait pas que j'avais pas de duvet. Que, voilà. Donc, tout ça, il le savait pas à ce moment-là. Lui, il était concentré simplement sur le secours et amener le meilleur, quoi. Donc, 25 janvier 2018, 23h10, c'est le premier message d'Elisabeth Revol. Et les messages qui figurent dans son livre « Vivre entre vous et elle » vont jusqu'au 28 janvier. Mmh. Et quand on lit vos messages, ils sont très informatifs, très courts et en même temps très rassurants. C'est pas forcément évident, j'étais pas préparé à ça, parce que je pense que c'est presque un boulot en fait, de communication. La première des choses, c'est le côté émotionnel et affectif, où je pense qu'on est, quand on est dans cette situation-là, on est affecté, et ce qu'il faut, c'est prendre un minimum de recul pour pas justement laisser toutes ces émotions perturber, en fait, hein, concrètement, la communication. Après, le fait de connaître aussi ce qu'elle vit là-haut, parce que j'ai quand même fait quelques expés et je sais que c'est très dur, donc il faut se positionné à ce moment-là en se disant bon ben qu'est-ce qu'on souhaiterait avoir comme message en fait, comme information. L'information de prise en charge des secours, information de qu'est-ce que je fais, et information ben, de faut pas se laisser aller et en fait de motivation. Ça c'est super important parce qu'on peut très vite être démotivé là-haut. Je pense que c'est important d'avoir un appui externe, même si elle a le caractère et la force de passer au-delà de ça, mais je pense que tout appui était peut-être le bienvenu pour elle, et c'est ce que j'ai essayé de faire, comme Anna a essayé de faire pour Tomek, puisqu'elle a envoyé aussi des messages pour Tomek, qui étaient peut-être beaucoup plus remplis d'émotions, forcément. 26 janvier 2018, 12h17, je renvoie un message. Tomek est dans une situation terrible, ne peut pas marcher, on n'a pas pu rejoindre la tente, mais il faut l'évac au plus vite. Puis un autre à 12h44. Le vent se lève et Tomek saigne beaucoup de ses gelures. Infection ne va pas tarder. Altitude, 7273 mètres. C'est un mode de communication qui reste très limité et où on peut nous situer en fait sur la montagne. Il y a un point GPS qui à chaque fois géolocalise en fait le point où on est. Mais c'est sûr que ce n'est pas des grandes phrases et pas une communication téléphonique. Il faut souvent répéter les messages les plus importants pour être certain que l'information soit bien réceptionnée. Alors après, évidemment, si on a un feedback, bon, ben, y a pas de souci, on sait qu'elle a reçu le message. Mais quand on n'en a pas, c'est pas évident. Notamment sur les nuits, parce que c'était vraiment les périodes les plus stressantes. Les nuits où finalement elle essayait de dormir et elle coupait l'in-reach pour sauvegarder de la batterie. Nous, en face, on n'avait aucune information. On envoyait des messages en disant peut-être qu'elle va les lire, mais il ne faut pas qu'elle s'endorme, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Mais en fait, on ne savait pas du tout ce qui se passait en face, et ça, c'était hyper stressant, quoi. Donc toujours en essayant d'espérer qu'il y ait un lendemain, en fait, simplement, quoi. Jusqu'au 28 janvier 2018, donc 1h50, vous êtes quasiment 3 jours toute seule. C'est assez paradoxal parce que c'est passé extrêmement rapidement et en même temps extrêmement lentement. Maintenant, quand j'y repense, en fait, c'était tellement bref, finalement, sur cette montagne. Mais après, quand on est dans la souffrance, c'est tellement long. Donc c'est vraiment les deux côtés et je peux pas dire c'est passé vite ou c'est passé lentement. Il y a des moments qui ont été extrêmement longs et puis il y a des moments qui sont passés extrêmement rapidement, quoi. Mais je pense que là-haut, dans tous les cas, on est déconnecté par rapport au temps. On n'a plus aucune prise, en fait, sur ce temps, même par rapport à la montée. Moi, je sais, quand on est monté au sommet, j'avais aucune notion, finalement, de l'heure. Et c'est quand j'ai allumé mon in-reach à 90 mètres du sommet, je me dis, ah ouais, c'est quand même 5h15, quoi. Donc, on a plus cette notion de temps là où on est déconnecté de cette norme, un petit peu, qui cadre nos vies. En fait, je pense que j'ai eu peur, mais j'ai contenu cette peur. Et oui, forcément, il y a eu des moments où j'avais peur pour Tomek. Après, pour moi, je sais pas si j'ai vraiment eu peur, parce que j'ai jamais pris conscience, en fait, que moi, j'allais rester sur la montagne. Je me suis toujours dit, il y a une solution, et je pense qu'à partir du moment où on avance, où on fait quelque chose, où on est dans l'action, on a plus cette peur. C'est quand on est à l'arrêt qu'on a cette peur qui prend au ventre, quoi. 28 janvier 2018, 8h38. Nouveau message de Ludo. Donne des nouvelles STP, les secours vont partir, courage Sorette. 8h53, je lui réponds. Je suis gelée 5 orteils sur pied gauche, c'est du bois. Faut que je voie urgent Cauchy. Ludo, tu as quoi avec toi? Rien. Vous l'avez dit, Ludovic Gamazi, vous-même, vous êtes alpiniste, aguerri. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment, vous visualisez ce que vit Elisabeth Revol, perdue seule dans des altitudes infernales? Encore une fois, sans vivre, sans assistance, elle perd une chaussure, enfin, dans des conditions extrêmes. Je le visualise, puisque j'ai fait une expé sur un 8000 en hivernal avec elle, et je vois très bien ce que ça fait. Par contre, je le visualise peut-être pas à la hauteur de ce qu'elle a vécu, enfin, ça c'est même sûr, parce que je pense que c'était beaucoup plus extrême que ce que j'ai pu subir, et alors là, enfin, c'était... En fait, j'imagine les choses en multipliées par 100 peut-être. Donc ça donne une idée de ce qu'elle peut vivre là-bas avec ce côté un peu solitude. Alors pourquoi solitude ? Parce que quand on a quelqu'un en face qui est malade en fait, hein, qui a un œdème, on est seul à gérer toute la situation, on est seul à prendre des décisions, on est vraiment seul, quoi. J'ai pas cessé d'être en mouvement, hormis la nuit que j'ai passée en fait, à 6007 toute seule dans la crevasse, où là, ouais, ça a été des moments qui étaient longs, des moments d'attente, des moments de doute, à savoir qu'est-ce qui se passe, où on va aller. Mais je pense que le cerveau, il rebondit tout de suite dans quelle solution... Après, Ludo, voilà, il m'amenait aussi dans ses solutions, toujours à me dire... est-ce que tu as un baudrier sur toi? Est-ce qu'on peut arriver avec un filin? Est-ce que voilà, quelles conditions il y a? Donc, il m'a toujours amené finalement dans cette construction en fait positive et cette démarche où il y a quelque chose qui va se passer. On verra après quoi. Est-ce que vous avez eu peur? Oui, très clairement. Du début jusqu'à la fin, la peur était là. Et il fallait surmonter ça pour être assez efficace sur les échanges avec les différents acteurs qui sont intervenus sur les secours. Dans le texte donc, que vous écrivez qui s'appelle « Vivre », vous dites que vous n'êtes pas une superwoman et que vous n'êtes pas friande des récits d'alpinistes. Pourtant, il y a Messner qui vous a précédé sur le Nanga Parbat en 1970. Qui a écrit comment il a perdu son propre frère Gunther. Il a écrit ce texte bien après. Il appelle ça « La montagne nue ». Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé aux morts qui vous ont précédé, notamment à Gunther, à Messner? Ça, je pense que sur la montagne, en fait, je ne pense pas aux morts, mais en fait, sur la montagne, jamais. Mais après, moi, je pense à tout cet historique, en fait. Et je pense que moi, j'ai plus pensé à Hermann Bull, en fait, parce qu'on est... on rejoignait quasiment sa voix. Et je pense que oui, cet historique est extrêmement important dans les pas qu'on pose après nous, parce que c'est des histoires qui nous ont fait rêver, en fait, quand on était petits. Mais moi, j'ai jamais rêvé, en fait, sur des drames, en fait, en montagne. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était des ascensions assez extraordinaires et... J'ai toujours été plutôt dans la vie que du côté un peu accident et choses comme ça. C'est pour ça que j'étais un petit peu en décalage par rapport au récit. Et c'est vrai que moi, ces récits, en fait, de tout ce qui se passait sur ces morts en montagne, ça me faisait peur. C'est quelque chose qui me bloquait plus que d'aller chercher finalement un peu cet inconnu par rapport à ça. En regardant un peu l'historique justement du Nanga Parbat, je m'aperçois qu'elle porte le surnom de montagne tueuse. Il y a eu 74 morts. C'est la troisième montagne la plus dangereuse après l'Annapurna et le K2. Moi, comme je vous dis, déjà, la montagne tueuse, pour moi, c'est pas un nom qu'on donne à une montagne. Après, c'est pas la montagne qui est tueuse, c'est l'humain, en fait, qui va sur cette montagne et qui prend des mauvaises décisions et qui fait des erreurs. Donc, je suis pas tout à fait en adéquation avec, voilà, déjà, ce terme. Après, comme je vous dis, moi, je vais pas... Oui, peut-être qu'il y a des itinéraires qui ont porté des noms de personnes qui sont restées, en fait, sur cette montagne, mais c'est pas ce que je vais chercher, moi. 28 janvier 2018. Je reste pétrifiée, posée sur mon caillou comme sur un perchoir, incapable de bouger, de réaliser ce qui se passe. Il est 1h50 du matin et je suis à 5950 mètres. Elisabeth Revol, plus haut, plus vite, plus fort. Avec Elisabeth Revol, Ludovic Gambasi et Yann Gezadaner. Extrait du livre « Vivre » dit par Julie Pouillon. Remerciements, Vivien Boyer du service de presse des éditions Artaud. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, assistée de Daphné Abgral. Mixage Valérie Lavalard, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared. La suite du portrait d'Elisabeth Revol, ce sera demain à 13h30, mais pour l'instant, c'est comme chaque samedi, l'heure de votre séance cinéma avec Antoine Guillot.